Bonjour, ici Valérie Levé au microphone de CKRL 89.1 et c'est l'heure de Futur Simple, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec les oiseaux migrateurs. Avec le printemps, les oiseaux migrateurs vont être de retour, peut-être un peu plus tôt cette année si le printemps est précoce, mais quand reviendront-ils? Ont-ils déjà commencé leur périple et où se trouvent-ils sur leur route migratoire? À 18h30, le professeur André Desrochers nous parlera du projet Motus pour suivre les oiseaux à la trace. Et maintenant, bien, nous partons en Antarctique avec Daniel Filion, qui est étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski. Daniel est déjà venu plusieurs fois au micro de Futur Simple expliquer l'objet de sa recherche en Antarctique. Il a raconté sa préparation pour sa mission en Antarctique l'automne dernier. À son retour de l'Antarctique, Daniel est venu raconter le déroulement de sa mission sur le plan humain et sur le plan scientifique. Et maintenant, il est temps de rentrer davantage dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Daniel a découvert en Antarctique? Bonjour Daniel. Bonsoir Valérie, merci de m'avoir invité encore une fois. Ah bah merci à toi de revenir régulièrement nous raconter, comme on le disait un peu hors honte, ce feuilleton de l'Antarctique auquel tu participes. C'est ça, oui. Et que tu nous racontes. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi peut-être les premiers épisodes justement de ta mission en Antarctique, est-ce que tu peux nous rappeler où tu es allé et pourquoi faire? Ouais, donc on est allé en Antarctique de l'Est, on est parti de l'Afrique du Sud, on a traversé l'océan à un gros 4200 km d'avion, puis on a atterri dans une base russe, une ancienne base militaire russe, et à partir de là, on s'est enfoncé dans le continent de l'Antarctique avec 5 autres scientifiques. Je suis parti avec mon professeur de thèse, le professeur André Pellerin, et on est arrivé au lac Untersee, donc c'est notre site d'étude, c'est un lac avec toutes sortes de propriétés uniques, on aura la chance d'en reparler, et là-bas on s'est construit un campement directement sur le lac, on s'est fait un laboratoire, on a fait de la science là-bas, puis on a parlé la dernière fois à quel point on a vécu quand même quelques petits imprévus, des tempêtes de neige, des tempêtes de vent, la grippe, il y a eu des grosses fluctuations de température également, mais malgré tout ça, on a réussi à faire pas mal de science. Et l'objectif principal, ou du moins les différents objectifs qu'on avait, c'est toujours une question un peu compliquée à répondre. On avait tellement de science à faire, il y avait tellement de choses excitantes à réaliser. Et pour pouvoir un peu répondre à ça, il y a deux propriétés qu'il faut comprendre du lac Untersee. Donc, une petite description partielle, disons. Donc, le lac Untersee, c'est un lac qui est recouvert d'une couche de glace pérenne, c'est-à-dire que c'est de la glace qui va demeurer là l'année longue. Mmh. C'est pas de la glace qui va fondre durant l'été, comme on est habitué ici, là, le fleuve va geler durant l'hiver, mais tout de suite à l'été, puis même en ce moment, des fois on voit que ça prend pas beaucoup avant que la glace dégèle. En Antarctique, il fait toujours froid, même l'été, donc cette couche de glace-là demeure, et ça fait en sorte qu'il y a comme une barrière physique qui empêche le vent, par exemple, de mélanger le lac. Ah ouais. Il n'y a pas d'échange gazeux avec l'atmosphère, il n'y a pas de déchets ou de pollution qui peut entrer dans le lac. Ce qui fait que c'est un système scellé. C'est un système qui est complètement isolé depuis des millénaires. Ouais, c'est ça. Ça fait des milliers d'années qu'il est comme ça. Donc, il y a une espèce de chimie, il y a une biologie qui s'est installée avec les millénaires dans ce lac-là. Et c'est l'une des choses qu'on essaie de percer comme mystère. Comment la chimie s'opère? Et l'autre aspect qui est intéressant du lac Untersee, c'est que bon, la colonne d'eau, le lac, a une composition chimique qui est homogène. C'est-à-dire que partout dans le lac, on retrouve la même température, le même pH, les mêmes molécules. Mais il y a dans le sud du lac, au sud du lac, il y a un petit trou dans le fond du lac, à peu près à 70 mètres de profondeur. Il y a un bassin qui est complètement dépourvu d'oxygène. Donc, à 73 mètres exactement, l'oxygène disparaît du lac, de la colonne d'eau, et on se retrouve dans un environnement qui est anoxique, c'est-à-dire qui est dépourvu d'oxygène. Et en géochimie, quand l'oxygène disparaît, c'est là que ça commence à devenir vraiment fascinant. Parce que nous, on sait que l'oxygène, c'est la base des métabolismes de la vie. Et s'il n'y a pas d'oxygène, on ne respire pas et la vie n'est pas là. Ben exactement. Non, donc, ben, elle existe sous d'autres formes et c'est tout à fait fascinant. Donc, et combiné à d'autres particularités de ce bassin-là, il y a des questions de recherche, surtout sur la géochimie, qui ont émergé. Et c'était avec ces objectifs-là en tête qu'on s'est rendu au lac Ontrussie. Mais là, donc, tu parles de vie peut-être différente en absence d'oxygène. Est-ce qu'on sait s'il y a des formes de vie dans ce bassin ou dans ce bassin d'eau là, sans oxygène? Donc, oui. Le lac au complet possède des micro-organismes partout. Ouais. Et même dans ce bassin-là dépourvu d'oxygène, il y a des micro-organismes. Donc, ça nous montre que la vie peut s'adapter malgré les conditions extrêmes qui prévalent dans cet environnement. On parle de température très froide, un environnement qui est pratiquement noir, il n'y a pas beaucoup de nutriments et il n'y a pas d'oxygène non plus. Mm-hmm. Mais il y a quand même de la vie qui réussit à se développer et à prospérer. Donc, on parle de micro-organismes, donc de bactéries, ou est-ce qu'on parle quand même d'organismes pluricellulaires, des crustacés, des crevettes? Oui, c'est une bonne question, mais c'est encore plus primitif que ça. OK, c'est très primitif. C'est ça. Donc, les crustacés, les protozoaires même, les protistes, c'est même si pour nous, ça semble assez de base, c'est un peu trop évolué pour ce genre de système-là. Donc, en fait, ce sont des cyanobactéries, des bactéries qui sont capables de faire de la photosynthèse et ils vont se former en faisant des lits microbiens et en faisant des longues structures qu'on appelle des stromatolithes. Et des stromatolithes, c'est des espèces de cônes et qui vont se former avec l'accumulation de ces cyanobactéries-là. Et dans le lac Ontrussie, on en a retrouvé qui étaient assez longue, là, donc à 50-60 cm de hauteur. Ah ouais. Donc, des bonnes structures qui montrent qu'il n'y a pas d'autres prédateurs dans ce lac-là. Donc, les micro-organismes sont libres, en fait. Ils peuvent se développer sans avoir de risque de se faire chasser ou de se faire attaquer. Donc, ils ont un environnement juste à eux. Donc, ça leur permet de prospérer comme ça. Oui, je comprends qu'on peut être fasciné par ce lac. Mais là, en fait, je suis vraiment intriguée parce que, bon, tu dis des algues, des cyanobactéries, tu dis qu'elles font de la photosynthèse, mais en même temps, tu dis qu'il y a de la glace tout le temps qui fait noir. Pour faire la photosynthèse, il faut de la lumière. Est-ce qu'il y a quand même un peu de lumière qui passe suffisamment pour apporter de l'énergie et permettre une forme, un peu de photosynthèse? Oui, étonnamment, la couche de glace est épaisse, 3, 4, 5 mètres à peu près. Et malgré ça, la lumière du soleil réussit à pénétrer. Et l'eau du lac est très claire. Ah. Donc, il n'y a pas de particules vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de matière organique colorée énormément. Donc, la lumière réussit à pénétrer sans se faire atténuer jusqu'à à peu près 73, 74 mètres. Coïncidence, le même endroit où l'oxygène commence à disparaître. Ah. Donc, il y a un maximum d'activité photosynthétique à 72 mètres exactement. On l'a vérifié encore cette année. Ouais. Et ça nous permet de voir qu'il y a en effet de la photosynthèse qui se produit et ça permet, ça agit en fait comme une force motrice énergétique pour le lac. Mais c'est curieux parce que il me semble que quand il y a de l'activité photosynthétique à la surface de la Terre, ça produit de l'oxygène. Et là, tu me dis, il n'y a pas d'oxygène dans le lac. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Encore une fois, le lac Ontrussie nous surprend. Donc, c'est pour ça c'est vraiment une combinaison de paramètres, de propriétés comme ça qui rendent le lac Ontrussie vraiment, vraiment génial. Bon, la photosynthèse, oui, produit de l'oxygène. Mais si cet oxygène-là est rapidement consommé, il n'y en a plus. Et donc, c'est ce qu'on croit qui se passe. Et en plus de ça, vraiment dans les alentours de 70-75 mètres de profondeur, il y a la température qui change, la densité change, le pH de l'eau va changer également. Il y a vraiment toutes sortes de paramètres qui se modifient en peu de mètres de profondeur. Et ça fait que le bassin, ce bassin-là, l'eau à l'intérieur peut être vu comme une couche d'eau complètement différente, un peu comme de l'eau et de l'huile. Ces deux couches d'eau-là ne peuvent pas se mélanger, étant donné qu'ils n'ont pas la même densité et les mêmes propriétés. Donc là, tu dis, tu as vérifié qu'il n'y avait pas d'oxygène donc dans ce bassin, tu as vérifié le pH. Comment on fait tout ça là? J'imagine que tu n'as pas plongé dans le lac, tu as envoyé des instruments, tu as fait ça comment? Tout à fait. Donc moi, je n'ai pas plongé dans le lac, mais il y en a d'autres qui l'ont fait, on pourra en reparler. Mais pour se rendre aussi profondément que ça dans le lac, en effet, on ne peut pas y aller nous. Donc, en effet, on plonge des instruments. Donc, on a utilisé, c'est une des premières choses qu'on a fait sur le terrain pour vérifier ces paramètres-là. Et c'est enfin une sonde qui est équipée de différents capteurs. Il y a un capteur pour la température, il y a un capteur qui mesure le pH et un autre qui va mesurer l'oxygène dissous dans l'eau du lac. Et on attache cette sonde-là au bout d'un câble et on va plonger le câble dans le lac. Et ce qui est vraiment cool, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir des mesures en temps réel. Ouais. Donc, ça prend un peu de temps, là, ça prend quelques secondes avant que ça se stabilise, puis que les sondes se calibrent et tout, mais en quelques secondes, quelques minutes, on a des mesures en temps réel de ces différents paramètres-là. Donc, on a fait ça tout de suite en arrivant. À chaque mètre, on plongeait le capteur, on le descendait un peu plus profond et on notait toutes ces mesures-là. Et c'est comme ça qu'on a pu vérifier que l'oxygène disparaît depuis 1997. C'est la première année qu'on s'en est rendu compte. Depuis 1997, l'oxygène disparaît à la même profondeur. Donc, c'est vraiment, ça nous montre à quel point le lac Untersee est un endroit intact, vraiment stable, qui n'est pas dérangé, il n'est pas perturbé par ce qui se passe à la surface, étant donné cette couche de glace-là sur la surface. Il faut être drôlement précautionneux, alors pour prolonger des instruments, il ne faut pas le perturber, ce lac-là, c'est un dilemme. Yeah, c'est ça, c'est toujours il y a des sacrifices à faire un peu quand on veut étudier des environnements aussi primitifs que ça, qui sont aussi précieux. D'une certaine manière, on dérange le lac, c'est certain, quand on lance des instruments comme ça ou même quand on plonge à l'intérieur. Mais le lac est gros. Faut remettre les choses en perspective. C'est un gros lac. C'est le plus gros lac en surface comme ça dans l'Antarctique de l'Est. Il fait 6 km de long sur à peu près 3-4 km de large. Et le volume d'eau à l'intérieur est énorme. Donc, la perturbation qu'on va faire en lançant des instruments ou des bouteilles pour échantillonner de l'eau ou les sédiments va faire des perturbations locales, mais qui vont définitivement pas se répertorier à travers tout le lac. Donc, c'est un peu le sacrifice, ou du moins, c'est l'argument qu'on utilise pour se convaincre que ce qu'on fait, c'est bien. On est en Antarctique, tu étais là à l'hiver, en novembre, donc c'est l'été, il fait jour, il peut y avoir la photosynthèse. Qu'est-ce qui se passe en été? Est-ce qu'on le sait? On était en hiver là-bas, quand il n'y a pas de jour, est-ce qu'il y a quand même, il n'y a pas de photosynthèse? Est-ce que ce serait la même chose qu'on observerait? C'est une excellente question. Donc, en effet, là, il y avait de la lumière tout le temps. L'hiver, le soleil disparaît pour une bonne partie de l'année. À ce moment-là, c'est un peu comme... C'est difficile à répondre étant donné qu'on se rend pas là l'hiver, donc on n'a aucune idée vraiment de la chimie qui peut s'opérer dans ces conditions-là. Ça rend le système encore beaucoup plus extrême, ça c'est certain, et ça ferait en sorte qu'il y a beaucoup plus de questions de recherche à répondre. Mais l'énergie peut être stockée d'une certaine manière et peut être utilisée par la suite. Et de toute façon, les micro-organismes peuvent utiliser d'autres choses que l'oxygène pour respirer. Nous, on est habitués, comme je disais, avec l'oxygène. On peut pas imaginer, on peut pas apprécier un monde où est-ce que les humains ou les animaux utiliseraient d'autres choses. La machinerie biologique qu'on connaît en ce moment repose entièrement sur l'oxygène, mais l'oxygène, c'est un oxydant. Donc, quand on met nos lunettes de chimiste puis qu'on regarde à l'échelle moléculaire, l'oxygène sert d'oxydant. Donc, il va pour ceux à qui ça parle, il va recevoir des électrons et utiliser ces électrons-là pour former de nouvelles molécules. Mais c'est pas le seul oxydant qui existe. Il y en a d'autres. Il y a le sulfate, par exemple, il y a le nitrate, il y a des oxydes de métaux qui peuvent faire le même genre de travail. C'est moins favorable d'un point de vue énergie, mais quand on n'a pas d'autre choix, c'est une option qui peut être viable et c'est comme ça que les micro-organismes peuvent réussir à survivre même s'il y a une absence d'oxygène. Ils vont juste utiliser un autre accepteur d'électrons, un autre oxydant qui va faire à peu près le même travail, sauf que ça sera pas la même réaction, ça sera pas les mêmes produits générés. Donc nous, les géochimistes, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ces nouvelles réactions-là fonctionnent. C'est une grosse motivation, mais ça explique comment la vie peut prospérer malgré l'absence de tous ces paramètres-là. Pour nous, c'est vital. Donc, ça veut dire que quand tu étais sur place, tu as été mesurer le pH, l'oxygène, mais tu as été mesurer d'autres composés chimiques dans l'eau. Oui, tout à fait. Donc, c'était ça a été un peu un sous-objectif novateur qu'on avait cette année. On a amené un instrument sur le terrain. On a fait de la chimie dans le laboratoire qu'on a construit. Et c'est un instrument qui s'appelle un spectrophotomètre. Et c'est essentiellement un instrument qui mesure la couleur. Et là, je sais qu'est-ce que tu vas me dire. Comment on peut mesurer la couleur quand on a de l'eau qui est transparente? Donc là, c'est là que le fun commence, si je peux dire, parce que j'avais amené des molécules sur le terrain, des réactifs, et la manière dont ça fonctionne, c'est que si on veut mesurer une molécule, par exemple, qu'on veut mesurer le fer, hein, on veut mesurer la quantité de fer qu'il y a dans un échantillon d'eau, ben on va faire réagir le fer avec une molécule, et ça va créer une nouvelle molécule qui va être colorée. Donc ça, c'est répertorié dans la littérature, on sait comment faire ça. Donc il suffisait de pouvoir l'adapter à les conditions auxquelles je travaillais sur le terrain. Donc j'ai amené, comme je disais, les réactifs, j'ai fait réagir les échantillons avec le fer, avec différentes molécules, et donc j'obtenais des échantillons colorés. Et ce qui est formidable, c'est que plus la couleur est foncée, plus il y a de cette molécule-là. Donc, par exemple, lorsque je faisais réagir le fer avec une molécule, ça donnait une nouvelle molécule qui était mauve. Et donc, si le mauve était plus foncé, ça voulait dire qu'il y avait plus de fer. Et si le mauve était pâle, il y avait moins de fer. Donc, c'était relativement simple à comprendre. Et l'instrument, il va encore plus loin que ça parce qu'il peut vraiment décortiquer la lumière et aller chercher la longueur d'onde spécifique de ce mauve-là, là, vraiment la teinte de mauve précise. Et après ça, on fait rouler un peu la manivelle mathématique et on réussit à atteindre la concentration. Ah ouais. Donc, on pouvait, sur le terrain, aller chercher l'échantillon d'eau et mesurer la concentration de différentes espèces chimiques de cette manière-là, en créant des couleurs avec des molécules et en mesurant la couleur de l'intensité, en fait, de ces couleurs-là. Donc, on le fait pour le fer, on le fait pour l'ammonium, pour le sulfate, pour le phosphate, donc toutes sortes de molécules et d'espèces chimiques qui ont pu être mesurées sur le terrain. Et est-ce que c'était des molécules qui, justement, sont importantes pour le développement de la vie? C'est ça, tout à fait. Donc, une fois qu'on les a tous identifiés, qu'on les a tous mesurés et quantifiés, ben c'est comme une espèce de casse-tête chimique parce que il y a des réactions qui, pour nous, seraient un peu banales, mais pour qui? Les micro-organismes, par exemple, ça représente une source d'énergie. Donc, quand il y a une transformation d'une molécule en une autre, ben il y a de l'énergie qui est libérée et ça peut être suffisant pour être une force motrice pour leur métabolisme. Donc, toutes ces molécules-là, en fait, sont importantes pour la vie lorsqu'on est dans des conditions différentes comme ça. Donc, c'était vraiment important pour nous d'avoir des mesures sur le terrain qui étaient représentatives de notre travail parce que quand on ramène ces échantillons-là, ben malheureusement, il peut y avoir des problèmes au niveau de la préservation et de la contamination. Donc, qu'est-ce que tu as trouvé sous la glace, dans ce lac? Donc une des choses qu'on croit avoir découvertes, évidemment, ça va demander un peu de travail en laboratoire pour tester cette hypothèse, mais on croit que l'ammonium, qui est une molécule avec un atome d'azote, c'est une molécule qui est biodisponible, c'est-à-dire que les micro-organismes, ils peuvent utiliser l'ammonium pour leur métabolisme. Et l'ammonium, d'habitude, ben il est oxydé par l'oxygène. Là, on se rappelle, on est dans un environnement où il n'y a pas d'oxygène. Donc, quel oxydant autre que l'oxygène peut faire cette réaction-là? Et il y avait plusieurs candidats possibles. Et là, ce qu'on croit avoir découvert, c'est que ce serait le sulfate. Le sulfate, c'est une molécule avec un atome de soufre. Et ce qui est bizarre un peu avec ça, c'est que l'ammonium et le sulfate, ce sont deux molécules qui sont omniprésentes dans les océans, dans les lacs, et ils ne réagissent jamais ensemble. Ils réagissent jamais ensemble? On est capable de le démontrer, ça, qu'ils réagissent jamais ensemble? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose de connu. On sait que les micro-organismes, ils vont pas oxyder l'ammonium puis en utilisant le sulfate. T'sais, c'est pas quelque chose qui a été répertorié. C'est pas une réaction qui vraiment favorable d'un point de vue énergétique. On a réussi à le découvrir dans des sédiments, dans certaines parties de l'océan, vraiment très profond. Les conditions étaient vraiment, encore une fois, anormales. Et on a réussi à voir cette réaction-là se produire naturellement. C'est également une réaction qu'on a reproduite en laboratoire. Donc, à ce moment-là, on n'est plus dans un milieu naturel. On est dans un milieu contrôlé. On force les conditions, là. C'est ça, on force les conditions. Ça s'est fait à 30 degrés Celsius, ce qui est vraiment pas représentatif de notre lac. Mais ça s'est quand même fait. Ce qui montre que la réaction est possible, mais elle est vraiment rare. Et là, on croit que, avec les résultats qu'on a réussi à trouver sur le terrain, avec notre compréhension des systèmes aquatiques comme ça en Antarctique, on croit que l'ammonium serait oxydé par les sulfates et ce serait une manière pour les micro-organismes, une nouvelle voie métabolique pour les micro-organismes. Et si ça se révèle être le cas, eh bien, c'est un résultat qui est significatif et qui peut être vraiment important pour notre compréhension de ce type d'habitat-là parce que c'est pas vu ailleurs. C'est vraiment fascinant quand même. Ça prend d'aller en Antarctique ou un peu au milieu de nulle part pour trouver ce type de réaction super rare. C'est sûr que ça n'a pas été tellement étudié. Il n'y a pas beaucoup de monde qui vont dans ces endroits-là, qui étudient ces milieux assez extrêmes. Donc, à partir du moment où on va étudier des milieux un peu extrêmes, on trouve des choses que personne d'autre n'a trouvées. Exactement. Et c'est là que ça devient vraiment, vraiment excitant, surtout pour un étudiant. Hein? Oui, exactement. Là, tu as parlé de mesures dans l'eau du lac, mais est-ce que tu as aussi analysé les sédiments du lac? Parce que généralement, quand il y a de la vie dans un lac, puis ça fait de la matière organique qui se dépose, on retrouve ça dans les sédiments. Donc, est-ce que là, on retrouve quelque chose d'intéressant dans les sédiments? Ouais, donc c'était une autre partie complètement indépendante, là, l'analyse des sédiments. Donc on avait la colonne d'eau, toutes nos idées de mesures avec notre instrument, mais on avait également un intérêt d'échantillonner les sédiments parce que, comme tu dis, il y a des dépôts de matière organique qui se fait, mais il y a également des métaux, des micro-organismes morts qui vont se déposer. Donc la manière de voir ça, c'est un peu comme les archives du lac. Plus on va loin dans les sédiments, plus on revient tôt dans l'histoire du lac. Et donc, on a tenté d'aller collecter des carottes de sédiments. On a réussi de manière mitigée, disons. Donc, on a réussi à aller en chercher, donc c'est déjà ça. Mais on avait l'objectif de récolter des longues carottes, de 1,5 m, même 2 m. Le problème, c'est que d'un point de vue pratique, quand on est sur un lac et qu'on échantillonne à 100 mètres sous nos pieds, on voit pas ce qu'on fait, on travaille avec des câbles, c'est difficile de visualiser vraiment qu'est-ce qui se passe là sous nos pieds, il fait froid, il vente, on perd un peu le sens de qu'est-ce qui se déroule. Donc on n'a pas réussi à aller chercher les profondeurs désirées, la longueur des carottes désirées. Mais on a tout de même réussi à aller en chercher quelques-unes à différentes profondeurs dans le lac. On a ramené ça à la surface. Puis, dans certains cas, on a vu qu'il y avait des lits microbiens. Et là, ça devient... C'est fascinant. On n'avait jamais vu ça avant. Là, c'était des lits microbiens et chaque lit faisait 1 mm d'épaisseur environ. Des lits, tu veux dire comme des petites couches dans les sédiments? Exactement ça. C'est comme des petites couches qui vont se déposer et ça fait à peu près 1 mm d'épaisseur. Et après 1 mm d'épaisseur, qui correspond peut-être à des dizaines d'années d'accumulation de sédiments, eh bien, la couche change. Et on le voyait très bien. Ça veut dire que les conditions dans le lac changent? Exactement. Donc, après ça, on essaie de reconstituer l'histoire du lac en analysant chacune des couches sédimentaires comme ça. C'est un peu l'idée. Et comme je disais, plus on va profondément, plus on retourne dans l'histoire. Donc, c'était un peu l'intérêt de prendre des carottes de 1,5 m, 2 m. Là, on s'est contenté d'environ 50-60 cm. Toi, t'as étudié les espèces chimiques, mais est-ce qu'il y avait un de tes collègues qui étudiait particulièrement les formes de vie, les bactéries, pour identifier qui sont ces bactéries qui vivent là? Oui, c'est ça. Ça, c'est une autre bonne question. Hein. Donc, c'est la beauté des expéditions scientifiques internationales. Comme ça, on est des petites équipes, mais nos champs d'expertise se complémentent super bien. Donc, nous, on avait un point de vue chimie aqueuse, qu'est-ce qui se passe avec les molécules, les métabolismes, mais on avait des collègues. Par exemple, il y avait le chercheur Dale Anderson, qui était également le leader de l'expédition. On avait une collègue qui était Lara Vimercati, qui est de l'Université du Colorado et qui est une astrobiologiste. Donc, elle s'intéresse vraiment à identifier les micro-organismes, les cyanobactéries. Elle fait des analyses d'ADN, des analyses d'ARN, de la génomique. Donc, vraiment, toutes des analyses que je connais pas du tout, mais qui donnent des résultats qui complémentent super bien ce que nous, on fait. Parce que nous, on s'intéresse pas vraiment à savoir quelle cyanobactérie fait telle chose. Nous, on s'intéresse à comment les choses se font, puis quelle molécule est transformée comment, puis quels sont les produits. Donc, vraiment, il y a une histoire complète qui peut se faire de cette manière-là. Absolument. Donc, on travaillait de manière un peu complémentaire, on s'aidait, il y avait des belles discussions qui pouvaient émaner de ces manipulations-là directement sur le terrain, puis on a gardé encore contact. Donc, c'est des collaborations qui se forment sur le terrain et qui continuent par la suite. Ben oui, parce que s'il y a des réactions chimiques qui se font, il faut que les bactéries aient les enzymes pour le faire, donc ça va se voir dans le génome des bactéries. bactéries que tes collègues ont ramassées. Donc, c'est ça, exactement. Puis ce qui est encore plus formidable, c'est que si on découvre des réactions qui n'existent nulle part ailleurs, ou du moins qui sont très rares, ben, ça veut également dire que c'est probablement des cyanobactéries qui ne sont pas encore connues, peut-être. Ouais. Donc, il y a peut-être quelque chose de vraiment excitant de se demander si on n'est pas en train de découvrir des nouvelles formes de vie. Et là, ben, les impacts de ça sont vraiment, vraiment, vraiment fascinants. On peut commencer à se demander si c'est pas le genre de forme de vie qu'on trouverait ailleurs dans le système solaire. Donc, il y a vraiment dans la Terre primitive. Ou encore dans la Terre primitive. On sait que ces conditions-là étaient dominant un peu dans l'oxygène n'a pas été inventé très tôt peut-être pas inventé, mais n'est pas apparu très tôt dans notre histoire non plus. Donc, les conditions de oxygène qui était absent, les nutriments qui sont rares, c'était aussi présent il y a des milliards d'années sur Terre dans les premiers océans. Donc, il y a des répercussions qui peuvent être vraiment, vraiment cool à l'issue de ces manipulations-là. Et très rapidement, Daniel, moi je t'écouterai pendant des heures, mais il va falloir clore. Là, tu es revenu au laboratoire, mais j'imagine que tu as ramené des échantillons, que tu poursuis des expériences au laboratoire avec tes échantillons. C'est ça, également. Donc, il y a une limite de ce qu'on peut apporter sur le terrain en termes d'instruments et d'analyses qu'on peut faire. Donc, il y a des échantillons qu'on doit ramener absolument. Et donc, on essaie de les préserver au maximum, de réduire les contaminations. Puis ensuite, on peut utiliser des instruments plus sophistiqués qui sont enfin impossibles à amener sur le terrain. Et on peut aller chercher plus d'informations puis compléter les mesures chimiques qu'on avait démarrées déjà sur le terrain. Donc, ça va être les prochaines étapes du projet en ce moment. Et c'est ce que je fais en ce moment. On continue les analyses. On a toutes sortes d'échantillons qu'on avait préparés, qu'on avait pensés. Puis après ça, il y a des nouvelles questions qui émergent. On découvre des nouvelles affaires, des nouveaux résultats. Et là, ça nous inspire pour retourner sur la glace. Ben, c'est merveilleux parce que ça veut dire qu'il va y avoir un prochain feuilleton à cette aventure de l'Arctique. Tout à fait, ça sera mon plaisir. Très bien, ben alors le rendez-vous est pris. On aura juste à penser à une date. Alors, fantastique. Merci beaucoup, Daniel, de nous faire vivre les aventures de ta recherche en Antarctique. Ça fait plaisir. Je rappelle que Daniel Filion est étudiant au doctorat à l'Université du Québec à Rimouski.